Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord du tournoi Mackenzie Tour qui s'est déroulé à Montréal au cours des derniers jours. Kevin Fortin-Simard de Saint-Prime a terminé au 67e rang à égalité avec plusieurs golfeurs dont Hugo Bernard et Alvin Choi. Donc, le golfeur de Saint-Prime a terminé à moins 4 au cumulatif et un pointage de 284. Hier, il a joué 71 pour prendre le 67e rang. C'est le Canadien Taylor Pentritt qui a remporté la victoire avec un pointage de moins 28 au total. Maintenant, on va parler du côté du hockey collégial. Ben, les Genois d'Alma ont débuté leur saison en fin de semaine et ça a bien été pour pour les Genois, ils ont remporté une victoire de 5-2 contre l'équipe de Thetford Mines. Et ils ont également gagné 3-2 en fusillade contre les Dynamiques de Sainte-Foy. Parlons aussi maintenant du côté de la Ligue du Lac-aux-Fleurs. Il y a eu une vague de signatures également chez le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini. Au cours des derniers jours, on a annoncé que la signature de quelques joueurs, dont entre autres Jean-Bernard Gagnon, et Marc-Alexandre Tremblay, qu'ils ont acquis dans un échange 2-2. Ils ont également annoncé le retour.